Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. La main coupée, voyage au bout de la nuit, orage d'acier, le guerrier appliqué à l'ouest, rien de nouveau, l'adieu aux armes, qu'ils soient Sandrard, Selling, Junger, Poland, Remarque ou Hemingway, tous en ont parlé, l'ont décrite, ont témoigné. La guerre, la grande guerre, le Salon Noir se penchera aujourd'hui sur sa matérialité, ou du moins ce que l'archéologie peut retrouver de cet événement encore si proche, déjà si lointain. Pour en parler, un invité, Michael Lambolt. Bonjour. Bonjour. Archéologue au pôle d'archéologie interdépartementale Rhénan, vous êtes un des deux commissaires d'une grande exposition à l'Est du Nouveau qui se tient actuellement au musée d'archéologie de Strasbourg. L'archéologie de la Grande Guerre, nous en avons déjà parlé, nous en reparlerons, mais pour autant, vous ne me ferez pas croire que c'est réellement de l'archéologie. Et oui, l'archéologie de la Grande Guerre, c'est... La Grande Guerre peut faire partie de l'archéologie. À partir du moment où les vestiges matériels nous apportent des informations sur les civilisations du passé, on peut considérer que c'est de l'archéologie. Je compare un petit peu l'archéologie de la Grande Guerre à l'archéologie médiévale et moderne qui, il y a une trentaine d'années, en France, ne faisait pas l'objet d'archéologie. Les archéologues s'intéressaient aux vestiges romains, antiques, proto-historiques et préhistoriques, et les couches médiévales et modernes étaient joyeusement évacuées sans aucune observation. Ça voudrait dire que les archéologues seraient réactionnaires, ne seraient pas modernistes, hein, ils ont du temps, ils s'occupent en général que des périodes très anciennes, c'est ça qui les intéresse le plus ? Alors l'archéologie de la Grande Guerre, c'est un problème qui, chez le grand public, personne ne remet en cause cette archéologie, c'est plutôt un problème d'archéologues. De nos jours, il y a des archéologues qui considèrent que ce n'est pas de l'archéologie toujours, et cette exposition de Strasbourg a pour objectif de démontrer au grand public et aux archéologues que la Grande Guerre a des choses encore à nous apprendre. Alors cette exposition, elle retrace quoi ? Un champ absolument gigantesque, compris entre Alsace et Lorraine, c'est bien ça ? Alors le domaine géographique de l'expo, c'est effectivement l'Alsace et la Lorraine, au sens large, pendant la Grande Guerre, avec du champ de bataille jusqu'à l'arrière, parce qu'on considère souvent la guerre que sur les premières tranchées du front, mais il y a aussi tous les aménagements interne sur plusieurs kilomètres qui s'organisent à l'intérieur des terres. Alors vous êtes au PER, je le disais tout à l'heure, une collectivité territoriale, archéologue bien sûr. Vous êtes volontairement lancé sur cette recherche de l'archéologie de la Grande Guerre ou est-ce que ça a été d'abord un pur hasard ? Alors la rencontre avec l'archéologie de la Grande Guerre s'est effectuée en 2006 lors d'une fouille qui a eu lieu à Guesbolsheim dans la banlieue de Strasbourg. Et dans le cadre d'une fouille qui concernait essentiellement des vestiges gaulois du début de l'Athènes, on a mis en évidence des tranchées de la Grande Guerre. Et sur cette fouille où j'étais responsable d'opération, je me suis posé la question, mais on va que faire de ces vestiges ? Et on les a considérés comme des vestiges à part entière, on les a étudiés et des problématiques sont sorties de cette fouille. Alors, le PER, le pôle d'archéologie, effectivement, depuis maintenant, donc 2006, c'est vraiment avant voulu développer investi des problématiques. Sur le sujet. C'est vraiment très, très investi sur ce sujet. Et les fouilles récentes de la ligne TGV Rhin-Rhône, dans le sud de l'Alsace, en témoignent, avec plusieurs fouilles sur ce domaine. L'archéologie porte sur quoi ? Le champ de bataille, notamment ? Alors, c'est le champ de bataille, mais aussi l'arrière, la vie quotidienne. Alors, depuis l'archéologie des Grandes Guerres, avait surtout porté attention sur les vestiges des sépultures de soldats. On en a beaucoup entendu parler, Fournier, la tombe... Le Grand Maulne, bien sûr, du Grand Maulne, qui illustre d'ailleurs la page du site internet du Salon Noir, avec vos très belles photos aussi. Fouille de 1991. Depuis quelques années, en Alsace, on a développé d'autres problématiques un peu inédites sur la vie quotidienne du combattant. Le champ de bataille peut être réellement investi pour vous ? Oui, comme... Il n'y a pas, par exemple, un certain danger à aller gratouiller quelques zones où il pourrait y avoir quantité d'obus? Alors, l'archéologie de la Grande Guerre, effectivement, quand on fouille une fosse néolithique, quand on fouille un site mésolithique, on ne risque pas de tomber sur des éléments dangereux d'un point de vue munitions. Et effectivement, donc, toute cette archéologie de la Grande Guerre est encadrée de manière très stricte par un encadrement réalisé par les services de déminage du ministère. Et les champs de bataille, curieusement, ils ne semblent pas intéresser les historiens qui sont plus intéressés à la nécropole, ce que l'on a produit après, visiblement, la guerre. En revanche, ces champs de bataille seraient, eux, très largement pillés. Ils sont en train de plus ou moins disparaître. Alors, il y a la disparition naturelle des vestiges, hein, qui est liée à la dégradation, au phénomène climatique, dégradation naturelle des vestiges depuis 100 ans. Mais depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, et avec le centenaire qui approche, dont nous venons de commencer les commémorations, il y a tout un trafic, un pillage du champ de bataille qui est très important dans nos régions de l'Est de la France, mais aussi du Nord et de Champagne, avec un pillage pour récupérer des objets qui sont sortis de tout contexte, tout le contraire de l'archéologie qui documente le contexte de découverte de l'objet et qui alimente des collections privées ou parfois des ventes sur des sites internet de vente aux enchères, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, si l'on se promène sur Verdun ou sur un autre grand champ de bataille, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que tout est resté figé depuis 1918 ou tout a été complètement bouleversé? Alors oui, effectivement, sur le champ de bataille, quand on se promène, on a une vision qui peut être parfois tronquée parce que il y a 100 ans qui séparent nous de ces vestiges. Il y a des sites qui ont été réaménagés, qui ne sont plus dans l'état de la Première Guerre mondiale. Quand on est à Verdun, la bataille de Verdun, c'est 1916. Et finalement, ce qu'on voit, c'est l'état 1918, novembre 1918. Donc il faut aussi faire attention à tout ça. Et c'est là aussi que l'archéologie peut apporter des éléments sur de quand datent les vestiges, sont-ils vraiment de l'époque dont on pense. Michael Landolt, ce que vous trouvez, c'est avant tout des trous d'obus. Alors, l'archéologie des trous d'obus n'a pas grand intérêt. À part d'identifier qu'il y a un trou d'obus à cet endroit, on ne va rien apprendre sur la Première Guerre mondiale, bien entendu. Ce qui nous intéresse, c'est les aménagements, les poubelles de l'histoire. L'archéologue étudie les poubelles de l'histoire. Les archives du sol. Les archives du sol, oui. J'ai croisé récemment un archéologue qui me disait que les trous d'obus, ils étaient mous quand on les fouillait et que les trous de poteaux qui sont chers aux archéologues, ils étaient durs. C'était comme ça qu'ils les reconnaissaient. Ça marche comme ça? Effectivement, on le remarque parce que les comblements postérieurs avec des débris, des destructions, effectivement, souvent on le remarque comme ça, oui. En tout cas, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'archéologie de la Grande Guerre a été longtemps un rendez-vous manqué des archéologues? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'archéologie des époques médiévales et modernes, oui, pour moi, c'est un rendez-vous manqué. En Alsace, il y a eu un épisode dans les années 90, près de Cernay. La côte 425, c'est bien ça? Tout à fait, où certaines associations locales avaient manifesté l'intérêt. Il y avait eu un aménagement d'une zone de vigne qui avait été faite. Et lors des travaux, des excavations, on a retrouvé des ossements humains et de nombreux objets liés à la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, les autorités du patrimoine n'avaient pas considéré ça comme de l'archéologie et aucune fouille n'avait été menée. Presque plusieurs années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, on peut dire, en 2011, à Karspach avait lieu, dans le nord, dans le sud de l'Alsace, la première fouille d'archéologie préventive uniquement liée à des vestiges de la Grande Guerre. Et qu'est-ce qu'il reste de la Grande Guerre dans le paysage de vos régions? Tout, il l'a complètement modelé. Alors, en Alsace, entre l'impact des obus et le reste, tout a été complètement transformé par rapport à 1913. Pour l'Alsace, la guerre a eu lieu essentiellement dans la montagne, dans la partie vosgienne, zone qui est de nos jours forestière et qui a figé les vestiges. Donc on a des trous d'obus, effectivement, des aménagements bétonnés, des tranchées, des soubassements de bâtiments, des constructions, des téléphériques, des voies de chemin de fer. Des lignes téléphoniques aussi, j'ai vu. Des lignes téléphoniques. Des fils encore qui courent dans la nature. Des fils, oui, effectivement, même des réseaux électrifiés de guerre électrique, hein, parfois avec des poteaux, des barbelés électrifiés, différents aspects un peu méconnus de la Grande Guerre, qui ressurgissent parfois grâce à l'archéologie, grâce à certains spécialistes aussi qui sont très nombreux sur le terrain. Michael Landolt, nous voici devant un patrimoine qui est visiblement convoité, parfois mis en valeur, en dépit de toute recherche. Bien sûr, je pense à Sainte-Marie-aux-Mines par exemple. Alors, dans certains secteurs, le désintérêt parfois des autorités qui gèrent le patrimoine a parfois mené à certains ratés, je pense. Alors, je ne veux pas du tout accabler le maillage territorial d'associations qui mettent en valeur hein, vraiment un patrimoine que seules ces associations peuvent faire. Mais parfois, en dépit du bon sens, des excavations ont été faites, parfois avec des engins, on a dégagé des vestiges, et toutes les couches archéologiques, les sols, les niveaux de sol, les éléments qui permettraient l'interprétation de ces vestiges ont été enlevés et de manière définitive et ont perdu toutes les informations qui étaient donc conservées. Et maintenant, donc, un travail s'engage sur le terrain avec ces associations afin de leur montrer tout l'intérêt de l'archéologie et qu'il n'y a pas que le monument à exhumer. De faire de la pédagogie, voilà, chercher le terme, de faire de la pédagogie. En tout cas, l'Alsace et la Lorraine ont été un des enjeux, bien sûr, de cette grande guerre. Ce que vous retrouvez, surtout, ce sont des lignes du front allemand. Hasard de l'archéologie, hein, on est dans l'archéologie préventive essentiellement. Les fouilles de ces 20 dernières années, les opérations de diagnostic archéologique, de fouilles préventives, ont mis en évidence des vestiges allemands. Et c'est pour cela que l'exposition de Strasbourg met en évidence 90%, je dirais, d'objets découverts dans des contextes allemands. Alors ce hasard a tendance maintenant depuis cette année, une fouille, je pense aux fouilles d'Alexandre Bolli sur le TGV Rhin-Rhône, qui ont mis en évidence donc des vestiges français d'un camp français de l'arrière, où ont été découverts différents éléments de la vie quotidienne, artisanat de tranchées, objets venant d'Asie par exemple aussi. Une population annamite, par exemple, installée là. Alors c'est la grande question, est-ce qu'on est effectivement face à des troupes d'Asie qui auraient été présentes pendant le conflit, ou qui était voué normalement, je crois, à faire les voies de chemin de fer. Alors faire ça, les travaux, et aussi tout ce qui est exhumation des corps, création des cimetières militaires. Tout ça est en cours d'étude. Hein. La fouille vient de finir il y a quelques semaines, et c'est des problématiques qu'on va essayer d'aborder. Donc, on a découvert une petite bouteille avec une inscription en chinois, et différentes hypothèses ont été formulées. Alors ça peut être aussi même de la fin après la guerre, hein, dans les années 1919, quand on renettoie le champ de bataille, il y a des troupes coloniales qui sont utilisées pour nettoyer le champ de bataille. Ce n'est pas un camp de prisonniers. Non, c'est un camp de soldats, de vie quotidienne des soldats. Une découverte exceptionnelle pour la Grande Guerre, un abri collectif, le Kilian Stollen, c'est bien ça? Et vous l'avez fouillé, vous en êtes le fouilleur? Alors en 2011, effectivement, on a mené donc la première fouille, comme je disais tout à l'heure, d'archéologie préventive entièrement consacrée à des vestiges de la Grande Guerre, parce que jusqu'à présent, on a fouillé la Grande Guerre parce qu'on avait des vestiges d'autres époques. Il y avait du Gaulois, je vous le disais tout à l'heure, on a fouillé la Première Guerre parce qu'elle était là par hasard. Maintenant, on fouille vraiment des sites uniquement parce qu'ils sont de la Première Guerre mondiale, c'est le cas de Karspak, et cette découverte a été très intéressante, on l'a parfois qualifiée de Pompéi de la Grande Guerre, parce qu'il s'agissait d'un abri de très grande capacité, situé entre 3 et 6 mètres de profondeur, qui avait été construit entre 1915 et 1916, qui était relié aux tranchées. Lors des bombardements français, les soldats allemands dans les tranchées descendaient dans cette galerie, et lors d'un bombardement en mars 1918, exactement le 18 mars, le 94e régiment d'infanterie de réserve, allemand, qui était présent dans la banlieue d'Alkirch, descend dans la galerie et le bombardement est très violent et une partie va s'effondrer, une vingtaine de mètres va s'effondrer et 21 soldats allemands vont se retrouver ensevelis dans cette galerie. 2011, création d'une déviation qui est inaugurée, je crois, demain, voilà, qui va donc entraîner de très grosses excavations et la découverte de cet abri. Donc vous avez fouillé jusqu'à 6 mètres de profondeur. Alors la route, c'est une route qui traverse une colline et pour faire une route à peu près plate, ils ont complètement excavé, créé une saignée à travers la colline. Vous y avez trouvé aussi des bouteilles incendiaires? Alors après la guerre, visiblement, la galerie a été réutilisée. Alors chose qu'on ignorait totalement, malgré la présence de corps qui n'avaient pas pu être ressortis. Suite à l'événement du 18 mars, la galerie a été recompartimentée en plusieurs abris indépendants et vers la fin de la guerre, elle a été incendiée et on a retrouvé donc des bouteilles incendiaires remplies de pétrole qui ont servi à la destruction de ces galeries. Ce que vous y avez découvert aussi, c'est une sorte de monument commémoratif, un monument commémoratif allemand. Alors suite à cet événement du 18 mars, il y a eu une opération de sauvetage qui n'a permis de trouver que des cadavres. Et au bout de quelques jours, ils ont décidé d'arrêter, d'arrêter les excavations qui étaient très complexes. Ils n'ont pas pu passer par le haut, ils sont passés en sape. Et un monument en bois d'abord a été installé par les survivants du régiment, monument qu'on connaît par des photographies. Puis, on connaissait un monument qui datait des années 60, qui était en grès, qui maintenant a été déplacé dans un cimetière militaire à Ilfurt, non loin d'un site proto-historique bien connu, le Brisgiberg. Lors de la fouille, on a découvert en fait, un monument en pierre qui avait été cassé en deux morceaux, où figure un casque allemand et un poignard, et l'emplacement d'une plaque qui n'est plus présente, qui devait être en métal, où devaient figurer les noms des 21 soldats. Donc un monument qui a probablement été payé par les survivants, par les membres du régiment, qui ont payé à leurs frais un monument stable en pierre pour rappeler la mort de leur... De leur compagnon. Ces 21 soldats figés donc dans l'explosion d'une bombe le 18 mars 1918, vous les avez retrouvés en position réelle. Alors tout à fait. Comme la comparaison avec Pompéi que j'utilise souvent est assez bonne parce que les images, quand on m'en parlait, certaines images, ça marche assez bien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en archéologie, quand on fouille des corps, on fouille souvent des sépultures. Et ces sépultures, c'est l'image du vivant, du mort à travers le vivant. Les survivants vont enterrer quelqu'un, vont le mettre dans une position, le manipuler, oui. Vont mettre des objets, vont l'habiller avec des vêtements particuliers. Est-ce que c'est vraiment ces vêtements ? Toute la question en archéologie funéraire, est-ce que c'est le reflet de la société ou pas ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que le défunt a été habillé ? Et dans le cas de Karspak, nous sommes dans la position réelle de la mort, de l'instantané de la mort, ce qui est très rare, qui existe dans d'autres cas, en archéologie comme Pompéi. Mais ça, pour un archéologue, c'est assez touchant, entre guillemets, parce que ça nous rapproche aussi du fait que ces corps qu'on fouille tous les jours dans nos fouilles archéologiques, c'est des gens qui ont vécu, qui étaient vivants. Michael Landolt, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes archéologue au pôle d'archéologie interdépartementale Rhénan, un des deux commissaires de la grande exposition qui se tient actuellement au musée archéologique de Strasbourg à l'est du Nouveau, consacré à l'archéologie de la Grande Guerre. Ces 21 soldats allemands, vous avez réussi à bien sûr faire une étude anthropologique, vous avez réussi à les identifier aussi, ce n'est pas de votre rôle normalement, mais... Alors oui, on se pose souvent la question, mais à quoi ça sert d'identifier ces corps ? Est-ce que c'est vraiment utile à l'archéologie ? Donc là, c'est un travail qui est assez collectif. Je pense à ma collègue Amélie Pellissier, qui est anthropologue au PER, qui donc a en charge l'étude anthropologique de ces corps. L'intérêt d'identifier les corps, pour nous, a été que le site puisse servir de référentiel. C'est-à-dire, en donnant à ces 21 corps une identité, on connaissait la liste des 21 disparus, grâce à leurs plaques, grâce à différents éléments, on a pu donner un nom à quasiment chaque individu, on en a sur 18 sur 21, il y en a 3 qui posent encore problème, on ne va pas aller dans les détails maintenant, mais peut-être qu'avec différentes études, on va pouvoir leur attribuer un nom. La génétique, bien sûr. Plutôt les isotopes, dans notre cas. Donc, le fait d'attribuer des noms, l'anthropologue va travailler donc à l'aveuglette, va donc faire une étude anthropologique de ces 21 corps et donner ses résultats. Et la question va être de savoir de comparer les résultats de notre anthropologique avec les méthodes traditionnelles de l'archéologie, de l'anthropologie, et de vérifier ça par rapport au véritable nom. Et de voir, est-ce qu'il y a des décalages sur l'âge ? Tout ça est extrêmement intéressant. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de résultats, mais on constate certains petits décalages pour certains individus qui mériteront d'être étudiés plus en détail. Ils étaient visiblement assis sur une sorte de banquette, c'est bien ça ? Alors, on les a retrouvés en position assise, debout, chose exceptionnelle en archéologie. Fouiller un corps debout, je pense que c'est quasiment unique. C'est rare. Couché sur des banquettes, couché par terre, donc différents types de positions. Ils ont donc été littéralement figés. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Alors, les corps ont été... Donc tout ça s'est fait en partenariat avec les services des sépultures, je le rappelle, militaires allemandes et françaises. Donc les corps ont été étudiés d'un point de vue... l'étude anthropologique a été menée. Suite à ça, les corps ont été rendus au service des sépultures qui les a donc réinhumés dans le cimetière militaire d'Ilfurt avec les compagnons qui étaient décédés lors de le même jour et qui avaient déjà pu être évacués en mars 1918. Dans cette situation extrême, face à l'omniprésence de la mort, qu'en est-il des pratiques religieuses, voire des superstitions, Michael Landolt ? Dans le cas de la fouille de Karspak, un élément très intéressant qu'on a pu mettre en évidence. Sur 3 individus, sur 21, on a découvert un chapelet dans la poche qui était associé avec une balle française tirée. Alors là, ça, vraiment, on est face. C'est pas une pratique qui est unique. On est dans une répétition de pratiques. Là, ça devient culturel, ça devient extrêmement intéressant. On peut, quand on voit la répétition, qui démontre des pratiques prophylactiques de protection du soldat. Le soldat, en associant le chapelet et la balle française, ça veut bien dire que l'interprétation qu'on en fait, qu'on veut être protégé des tirs des balles françaises. Il y a d'autres exemples, ça se faisait aussi du côté français, ce genre de choses. Alors ces éléments sont très peu connus, on en a des éléments parfois dans les textes, ou certains objets, on pense à des scapulaires qui étaient portés au cou des soldats, parfois avec des cheveux des enfants, de l'épouse, des gris-gris, des médailles. Le cœur sacré de Jésus aussi qui était porté chez les Français. Et là, on en a un témoignage à Burnopt, sur la fouille du TGV Rhin-Rhône, où là, on a découvert donc, un petit badge présentant le cœur sacré de Jésus. La vie tranchée, c'est aussi l'hygiène, c'est aussi l'étude entomologique, les insectes nécrophages associés aux soldats. Les bataillons de la mort, comme on pourrait les appeler. Et là, les mouches. Les mouches, les pupes, donc les petites coques, lorsque la mouche est à l'état de larve, elle va se transformer en mouche. Donc on a retrouvé différents petits éléments sur les corps qui vont faire l'objet de différentes études, je pense à la parasitologie, à l'entomologie. Alors pour la parasitologie, chose intéressante, je pense aux travaux de Mathieu Le Bailly, qui est à Besançon, a pu mettre en évidence dans un des corps, on a fait des prélèvements au niveau des bassins, et un des individus de Carspac présentait des parasites intestinaux qui se retrouvent chez le rat. Alors là, l'archéologie, on n'allait pas changer toute la biologie, l'histoire naturelle avec une découverte, un parasite qui n'existe pas chez l'homme normalement. Et donc l'hypothèse qu'on en a faite, c'est que l'homme aurait donc ingéré des aliments qui auraient été parasités, plutôt salis par des excréments de rats. Et l'homme aurait donc ingéré ces aliments salis et ces parasites du rat se seraient trouvés chez l'homme. L'alimentation du soldat allemand sur le front de l'Alsace, c'est quoi? C'est de la bière, de l'alcool très fort pour monter au front? Mais surtout de la moutarde. Surtout de la moutarde. Alors c'est extrêmement intéressant. Dans l'exposition, on aborde vraiment tout ce qui est la boisson, effectivement. La boisson, l'eau minérale. Hein, les Allemands sont les maîtres de l'exportation de l'eau minérale en 1914. Donc ça, ils boivent plus d'eau que d'alcool. On a une petite image d'épinal, entre guillemets, du soldat qui boit là, dans les tranchées pour oublier. C'est un peu une image d'épinal. Et la moutarde, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en très grande quantité dans les poubelles des soldats allemands, sous la forme de tasses en porcelaine ou de petits verres décorés, moulés, qui, comme le verre de certaines marques, dont je ne citerai pas le nom, qu'on retrouve bien dans nos supermarchés, présentait des décors, alors là, pas enfantins comme maintenant on retrouve. De propagande. De propagande. Le soldat allemand, quand il mange, il sait pourquoi il combat. Pour son empereur, pour l'Autriche, pour l'Allemagne, pour Dieu, etc. Donc ça, c'est des problématiques qu'on a développées vraiment sur l'alimentation. Alors, est-ce que les grandes questions qu'on peut se poser, et pour l'instant, on n'a pas assez de référentiel, est-ce que tous les soldats mangeaient la même chose? Est-ce que suivant la répartition géographique, le soldat avait une alimentation différente? Tout ça, c'est des problématiques qui émergent en ce moment et que l'archéologie va tenter de répondre. Et c'est extrêmement intéressant pour un archéologue qui, comme moi, travaille sur la proto-histoire, par exemple. On peut réfléchir sur l'archéologie en général. Est-ce que les méthodes qu'on utilise en archéologie plus classique, entre guillemets, plus ancienne, est-ce qu'elles sont vraiment valables? On a des textes, on a des documents pour un petit peu confirmer ou non les hypothèses des archéologues. En tout cas, la typologie du bouton de culotte n'a pas grand intérêt. Au travers des uniformes, des armes, que peut apporter réellement l'archéologie? Alors effectivement, on ne va pas découvrir des nouveaux types d'uniformes lors de fouilles archéologiques. Alors par contre, ce que l'archéologie peut apprendre, c'est changer un peu l'image toujours d'Épinal. Alors c'est vrai, là, on a plein d'images d'Épinal sur la Grande Guerre, vous allez me dire. Quand on va dans les musées, quand on va au Mémorial de Verdun, quand on va à Péronne ou quand on va à Meaux, on a des uniformes, on a beaucoup d'uniformes qui sont présentés. Qui correspondent à des normes qui étaient fixées par des textes. Et on se rend compte en fouillant que ces textes, parfois, ne sont pas respectés. On a une adaptation des choses. On a aussi l'utilisation d'uniformes plus anciens qui n'ont pas été changés. Et tous ces éléments-là, on peut les voir à travers la photographie d'époque. Mais la photographie, il faut bien savoir dans quel contexte, il faut se poser la question, dans quel contexte cette photo a été prise. Et lors de la Première Guerre mondiale, la photographie est encore quelque chose d'assez rare. La photo a été prise dans un contexte particulier. Donc, on ne va pas voir tout forcément. Là, l'archéologie, on a vraiment une vision réelle des choses. Et à Karspak, par exemple, on a un uniforme, un ancien modèle de veste sur un des soldats qui, normalement, aurait dû être remplacé dès 1916. Et ce n'est pas le cas. Et puis, il y a aussi un aspect assez méconnu, c'est qu'il y a eu de l'archéologie durant la guerre de 14. C'est-à-dire qu'entre les combats, les archéologues, eux, fouillaient. Alors, on connaissait l'archéologie des nazis, à l'époque nazie. Et maintenant, on essaye de travailler un petit peu sur l'archéologie pendant la Grande Guerre. Alors, c'est une thématique très intéressante. Parce que de nombreux sites ont été découverts pendant la Grande Guerre dans nos régions. Je pense par exemple pour l'Alsace à la tombe à Char de Nonheim, qui est très connue pour le premier âge du fer. Dont le matériel était à Berlin. Dont le matériel, non, il n'était pas à Berlin, il a toujours été à Strasbourg. Et l'archéologue du musée fondé avec Bussy-Lelon en Champagne, qui a fait l'objet d'une publication récente qui est extrêmement intéressante. Donc, pour revenir à Nonheim, en 1917, des soldats bavarois creusent, donc on est à proximité de Célestat, creusent des tranchées liées à des exercices de tir et mettent en évidence une sépulture princière avec des éléments de char. Et le conservateur du musée de Strasbourg va entendre parler de ces découvertes grâce à ses informateurs. Il ne faut pas oublier que l'Alsace est allemande et que le système administratif pendant la guerre est en route depuis dizaines d'années. Donc Robert Forer bénéficie de ces informateurs et va mettre la main sur ces objets qui avaient déjà été emportés par un officier qui voulait un petit peu les garder pour lui. Et il va mener des fouilles après la guerre. Il va refouiller le tumulus. On a différents cas. On a le Donon qui est très connu pour la Lorraine, pour la frontière entre la Lorraine et l'Alsace. On a Nora les Pont-à-Mousson en 1916 avec la découverte d'un hôtel d'Hercule, différents sites. Et tout ça a été publié par les Allemands ? Alors, publié par les Allemands pendant la guerre, après la guerre. Article exceptionnel de 1916, écrit ou de 1915, peu importe, de Robert Forer qui s'indigne de la réalisation de nombreuses tranchées sur des sites archéologiques et qui demande vraiment, qui essaie de faire prendre conscience qu'il faudrait une sorte d'archéologie préventive, j'ose le dire, avant la création de ces tranchées. Avez-vous les problématiques des historiens ou n'êtes-vous là que pour illustrer en objet cette grande guerre ? Alors bien entendu, on illustre l'archéologie, illustre la Grande Guerre, comme on l'a vu tout à l'heure dans les différents exemples. On a des éléments qui ont vraiment connu les choses dans les musées. On a parfois des objets qui n'ont jamais connu la Grande Guerre, qui ont été récupérés, qui étaient dans les stocks, qui étaient utilisés par d'autres corps d'armée. Là, on a des objets authentiques. C'est l'authenticité qu'on met en évidence, mais ça humanise aussi la guerre. Ça humanise la guerre et on met en évidence des problématiques nouvelles qui avaient été un petit peu écartées par les historiens. L'alimentation du soldat, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et là, l'archéologue a tout à fait sa place à travers les études d'archéozoologie, études aussi de tout ce qui est conteneur alimentaire. Ça, c'est vraiment le quotidien de l'archéologue. Et là, l'archéologie a encore beaucoup de choses à faire dans ces domaines. Michael Landolt, eh bien, merci beaucoup. Il y avait bien sûr encore plein de sujets autour de l'histoire de l'archéologie, mais aussi de la mémoire dont nous n'avons pas parlé. En tout cas, Michael Landolt, je rappelle, la grande exposition à l'Est du Nouveau qui se tient actuellement au musée d'archéologie de Strasbourg. Et aussi, bien sûr, une très belle édition d'un très beau catalogue, très bien illustré notamment par Jacques Tardy. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir aura pour thème affreux, sale, mais surtout méchant. La violence de l'homme est-elle préhistorique ? Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Emmanuel Morse d'Incan, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr. Retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.